au moment où le vice-président du parti Frodebu redoute la marginalisation du Burundi. Et des enseignants critiquent la décision de la direction de l'enseignement de la commune Buhinyuza de laisser avancer de classe tous les élèves qui ont passé les examens de repêchage au lycée communal Muramba. Ils estiment qu'une telle décision dénature l'enseignement. Et en actualité internationale, nous vous avons parlé de ce qui se passe en République démocratique du Congo et en Turquie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.